Une fois n'est pas coutume, nous parlerons de constructeurs dans cette nouvelle série d'émissions des Chroniques du Blabla. Une série d'émissions consacrée aux constructeurs de Formule 1, mais pas n'importe lesquels, ces constructeurs qui ont remporté une seule victoire lors de Grand Prix officiel. Je précise Grand Prix officiel parce que on sait jamais. Au total, nous avons recensé 11 constructeurs qui se distinguent dans ce domaine. Dans un premier temps, nous reviendrons sur ces constructeurs qui, malgré un potentiel plutôt intéressant, semblent avoir laissé filer d'autres opportunités de victoire ou qui auraient dû pouvoir aller en chercher plus. Et ensuite, nous aborderons ces cas plus exceptionnels, des victoires miraculeuses ou totalement inattendues. Et puisque l'actualité s'y prête, dans ce premier épisode, nous débuterons par la plus célèbre des équipes modernes n'ayant qu'une seule victoire à son actif, et on va se dépêcher de le faire parce que c'est la seule de ces équipes qui pourrait encore nous faire mentir si elle venait à gagner à nouveau, que ce soit avec son pilote français ou son pilote australien, ou son pilote argentin, ou bientôt mexicain, l'avenir nous le dira. Masta, c'est un sujet que tu as proposé, c'est quelque chose qui, j'imagine, t'a inspiré. Est-ce qu'il y a cette thématique des équipes qui ont réussi ou qui ont échoué à gagner une fois en Formule 1 ? Qu'est-ce que toi, ça a pu t'évoquer en y pensant ? Déjà, bonjour tout le monde. Ensuite, j'ai l'impression, à mon sens, qu'on se focus plus sur les pilotes que les équipes, en tout cas chez les fans. C'est vers ça qu'on se dirige le plus. Et c'est vrai que quand je réfléchis à certains sujets historiques, que ce soit mes propres papiers ou pour ce podcast, c'est vrai que je cherche un peu à gratter sur des sujets qui sortent un petit peu du lot, qu'on pourrait gratter en disant « Ah tiens, ça, je n'y aurais pas pensé ». J'ai choisi un découpage vraiment personnel, donc je ne vais pas t'engager dans ma thématique des constructeurs pour lesquels on en attendait plus, sauf si tu en as envie, parce que là, j'ose penser qu'on peut se mettre d'accord lorsqu'on va aborder cette première équipe, qui est d'ailleurs la seule qui pourrait nous faire mentir dans le temps. Alpine Formula One Team, une équipe bien britannique, une seule victoire dès sa première saison. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur cette victoire et est-ce que tu penses être d'accord avec moi en disant que c'est quand même, au-delà d'un simple constructeur, un projet qui pourrait inspirer plus d'une victoire ? Ça aurait dû être le cas, parce que Renault, depuis son retour en 2016, semblait progresser petit à petit, puis jusqu'en 2019, où ils ont attiré Ricciardo, mais ont stagné, et ont commencé un peu à se poser des questions sur le projet en 2020, sur pourquoi Ricciardo est même parti pour McLaren, avant qu'on nous annonce que ce sera désormais sous le nom d'Alpine, qui se présenteront l'année suivante, histoire de détacher bien chacun des constructeurs qu'il détient. Renault restera pour les voitures de route, et Alpine pour la branche vraiment sportive du losange. Si ça annonçait un engagement accru, en tout cas une volonté du moins publique d'y mettre les formes, eh ben, avant d'aborder ce Grand Prix de Hongrie 2021 bien connu, on pouvait un peu rester sur notre faim, parce que pour donner une illustration, c'était le 11e Grand Prix de la saison, et à ce moment-là, Alpine n'était que 7e championnat constructeur avec 40 points. Ce cher Fernando Alonso de retour à la compétition, on avait 26, était 11e. Et Esteban Ocon, qui va nous intéresser plus profondément ici, était 13e avec 14 points. Mais en comparaison, en 2020, certes une saison beaucoup plus ouverte d'un point de vue midfield, et même très animée, Renault avait 99 points, avec Ricciardo 63 et Ocon 36. Et ce qui était assez amusant, parce que Ocon, lui aussi, laissait sur notre faim, dominé par Ricciardo. On se disait qu'il allait se laisser bouffer par Alonso. Il 21 laisse une... On a une image beaucoup plus positive d'Ocon. Mais à ce moment-là, pas trop. Et ça a même fait du va-et-vient. On avait Ocon qui avait le dessus sur Alonso. Alonso qui mettait un peu de temps avant de se remettre à niveau. Et puis, il y a eu un switch où c'est Ocon qui se retrouve en difficulté plus d'une fois hors de la Q2 et même deux fois de suite hors de la Q1 durant les deux manches en Autriche. Il a réclamé de nouvelles pièces et un nouveau châssis qui est arrivé à Silverstone, le Grand Prix qui précède la Hongrie. Et c'est allé mieux avec un bon résultat d'ensemble de Alonso et de Ocon, tous les deux dans les points. Je me permets d'ajouter que les mauvaises langues te diront qu'en plus, Alonso s'est blessé avant son retour en Formule 1, si tu t'en rappelles, en vélo. Exactement, une blessure en vélo qui a compté. Il l'a avoué plus tard qu'en effet, ça l'avait retardé dans sa préparation. Pour Ocon, je ne sais pas, en tout cas, il a eu un nouveau châssis à Silverstone. Et ils ont corrigé le souci, ils l'ont remarqué le lendemain de la, de la deuxième course en Autriche. Ils n'ont pas dit pourquoi. Donc il y a eu une confidentialité pour le coup. Mais il y a clairement eu un switch parce qu'après, Ocon est revenu à son niveau, vu qu'il s'est qualifié dans le top 10 en Grande-Bretagne. Et il le refera de nouveau en Hongrie. Il s'est même qualifié devant Alonso, lui 8e et Alonso 9e. C'est vrai qu'à ce moment-là, la tension était plutôt du côté de Hamilton et Verstappen. Du coup, on pouvait s'attendre à un départ chaud. D'ailleurs, même Alonso lui-même, il a dit qu'il s'attendait à gagner quelques places gratuites au premier virage. Et est-ce qu'il se passe quelque chose ? Well, Fernando, tu as eu le nez fin, pour le coup. Mais ironiquement, ce n'est pas lui qui allait en profiter. Sur ce départ sur piste humide, où tout le monde est parti en intermédiaire, Bottas s'est totalement loupé et entraîné avec lui Verstappen et Perez et Norris de McLaren. Tandis que d'ailleurs, Stroll s'est dit, s'il le fait, pourquoi pas moi ? Et fit de même et embarqua Leclerc et Ricciardo. Du coup, beaucoup de pilotes, soit ont renoncé, soit étaient endommagés. Perez, Bottas, Norris, Stroll et Leclerc ont renoncé. Ricciardo et Verstappen ont continué, mais endommagés. Mais celui qui en avait profité le plus, au départ, c'était Ocon. Parce que Alonso, qui on connaît ses départs magistraux, pour une fois, le fait d'être à l'extérieur l'a pénalisé parce qu'il s'est retrouvé à devoir éviter les voitures ici et là à l'extérieur, et même Stroll au ralenti. Et c'est du coup Ocon qui était tout à l'intérieur, qui en a profité le plus, ce qui fait qu'il était deuxième avant le drapeau rouge à cause des nombreux débris. Forcément, Esteban Ocon est un des pilotes les plus détestés au monde, alors que paradoxalement, dans le paddock, on dit que c'est un des jeunes hommes les plus adorables et appréciables et humains qui soient, mais passons. Quand tu revois quelqu'un a mis la caméra embarquée en disant « mais regardez, mais quelle fraude, tout ça », effectivement, il a les pieds, il est limite posé sur son canapé, il voit tous les pilotes devant lui qui se foutent dehors, c'est le même du Open Lobby sur les jeux F1 Code Masters où tu restes derrière, t'attends que les autres se foutent dehors et tu passes, quoi. Ah, mais c'était une situation de jeu vidéo. Et d'ailleurs, c'était pas la seule situation de jeu vidéo qu'on va observer durant cette course. Après c'est bon, on dit chanceux, ben, je sais pas, quand lui, il est chanceux, quand, si c'est notre pilote et qu'il en profite, on considère que c'est un départ de feu. Il y a de la chance quand même, parce que, enfin, départ de feu, pour moi, c'est bon, désolé tout de suite, mais c'est Jim Clark Spa 63 quand il fait 8e à premier avant le premier virage. Ça, c'est un départ de feu, tu vois. Exact. Avoir de la réussite, c'est un peu différent pour moi. La Hongrie qui, pendant, en tout cas, durant mes premières années de F1, j'ai vu comme une course assez ennuyeuse, un Monaco avec des graviers. Ouais, alors déjà, rien qu'avec ça, on a eu du spectacle, on a eu au moins 5 Grands Prix de Hongrie en un niveau spectacle. Et donc Hamilton qui se retrouve à devoir s'arrêter et repartir dernier, car une fois qu'on a les bons pneus selon le degré d'humidité de la piste, eh ben, l'écart se fait rapidement. Et du coup, Hamilton se retrouve dernier et Verstappen endommagé. C'était libre pour Ocon en tête, devant Vettel sur Aston Martin et... Ça a tendance un peu oui, d'oublier. Oui, oui, vas-y, je me prépare. Nicolas Latifi. Latifi notre, Latifi voilà, le GOAT, celui qui, sur lequel le scandale est arrivé à Abu Dhabi 2021. Et premier aux essais libres 1, d'ailleurs, ou 3, je ne sais plus, du week-end. Ah, j'avais oublié ça. Mais oui, parce qu'il me semblait qu'il y avait eu beaucoup de pluie, que du coup, on n'a pas pu rouler. Je crois que c'était un truc comme ça. Mais du coup, ouais, donc, Latifi 3e. Et si vous demandez, Alonso se retrouvait en 6e position à ce moment-là. La course a pris ensuite une tournure un peu plus normale, en tout cas bien plus traditionnelle que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. L'intérêt était de voir jusqu'à quel point Verstappen et Hamilton allaient remonter. Pour le coup, comme j'ai dit, Verstappen eut beaucoup de mal à doubler Schumacher, à doubler deux fils de deux amis d'ailleurs. Lios et Michael étaient de bons amis, donc c'était assez amusant de voir cette génération s'opposer pour le coup. Ensuite, la course, on parle d'une course magistrale, mais c'est plus par étapes par rapport au début et à ce qui a suivi ensuite, parce qu'après, on a une physionomie plus classique. Mais l'intérêt, avec Verstappen qui ne pouvait que sauver les apparences, c'était la remontée d'Hamilton. Hamilton qui s'arrêtera bien plus tard que les autres, et qui s'arrêtera même une fois de plus, plutôt, devrais-je dire, afin d'avoir une gamme de pneus plus tendres par rapport aux autres et essayer de remonter en fin de course. Devant, par contre, Ocon était devant Vettel et il faut le noter qu'à partir du 5e tour, ce ne fut que Alpine qui mena la course. Ocon a mené la course quasiment jusqu'à la fin de course, à l'exception de 2 tours où c'était Alonso qui menait. Ce fut les 2 premiers tours où Alonso mena la course depuis son retour en Formule 1, il faut le noter. Et donc Alonso, avec une stratégie un peu décalée qui en s'arrêtant un peu plus tard que les autres, s'est retrouvé 5e à ce moment-là, derrière Ocon, Vettel, Sainz et Hamilton. et puis quatrième après qu'Hamilton ait fait son arrêt décalé. Et c'est à partir de là qu'on entre dans ce pourquoi cette course est connue, c'est cette fameuse lutte entre Alonso et Hamilton. Et elle est magnifique à voir de base. Oh, c'est l'école de pilotage 101, comme disent les Anglais. On dit d'Alain Prost qu'il est le professeur. Franchement, je pense que Alonso mérite aussi ce surnom. Et on dit ministre de la Défense pour Pérez. Si Pérez était le ministre, Alonso le président. Pourtant, on se disait, bon, Alonso connaît son background en ce sujet-là. Une autre course est entrée dans l'histoire pour sa résistance, Imola 2005 avec Schumacher. Mais à ce moment-là, Alonso, certes, on le voyait revenir à son meilleur niveau. Il avait eu des difficultés, mais on se disait à quel point est-il bon. Est-ce qu'il est vraiment revenu à 100%? Est-ce que c'est vraiment le Alonso qui faisait rêver en 2012? Est-ce que c'est vraiment celui-là? La réponse était là. Cette course est aussi belle, c'est parce qu'on voyait Alonso de retour. On se disait, il est là. Après, on savait que ça allait être provisoire, mais au moins, et c'est là aussi que ce pourquoi cette lutte a été et entre dans l'histoire, c'est qu'il a beaucoup servi à la victoire d'Ocon. Parce que Hamilton avait un rythme de 3 secondes plus rapide en moyenne, et Hamilton n'était revenu qu'à quelques secondes de Ocon et Vettel au dernier tour. Donc, si Alonso n'avait pas résisté aussi longtemps face à Hamilton, Hamilton aurait très bien pu passer Vettel et Ocon. Mais on parle de la résistance d'Alonso face à Hamilton avec raison, mais Ocon a gardé Vettel derrière lui durant toute la course. Vettel n'a quasiment jamais eu d'attaque franche, n'a juste une ou deux tentative d'intimidation au premier virage, mais sans plus, Ocon, durant toute la course, n'a jamais craqué face à un coup de champion du monde. Certes, plus au niveau qu'on le connaissait chez Red Bull, mais toujours un pilote de grande envergure qui savait quoi faire. Et pour la suite, elle est où la deuxième victoire d'Alpine, Masta? D'un autre côté, y a-t-il vraiment eu une autre opportunité de victoire? Mais est-ce que c'est pas problématique que cette victoire fût circonstancielle? Bah si, parce que on voulait que Alpine progresse. On pensait aussi qu'avec Alonso en meneur, j'étais plus d'une fois la quatrième force du plateau en 2022, mais pas régulièrement. Et après, on s'est rendu compte que la direction d'Alpine est une hydre à plusieurs têtes. Et que chaque tête essaie de se bouffer mutuellement, et qu'à chaque fois, il y en a une autre qui repousse derrière, jusqu'à ce qu'un nouveau monstre qui pourrissait depuis 2009 sur cette hydre repousse en 2024. Bonjour Flavio. Donc voilà, il y a rien que la cacophonie sur le départ d'Alonso illustre, et le fait que les uns étaient au courant et pas d'autres illustrait le fait que c'était dirigé avec le derrière, disons-le clairement, et ce pourquoi Alpine n'a jamais pu exploiter tout potentiel qu'il y avait, ça, plus les dissensions entre la partie Enstone, la partie Viri, etc. Ça mériterait un podcast à lui seul. Mais ouais, on se moquait à une époque de Ferrari, le fameux mème des clowns sur le mur des stands. Actuellement, Alpine est nouveau Ferrari d'un point de vue moquerie. Même si c'est circonstanciel, on savoure, et je pense qu'on doit d'autant plus savourer. J'espère juste qu'on ne va pas avoir le hiatus de 24 ans qu'on a eu entre Panis à Monaco et Gasly à Monza.